la montagne, ta voix a retenti. Nous les enfants d'Israël, nous l'avons entendu. Nous marcherons selon toi, selon ta loi. Nous marcherons selon toi, selon ta loi. De ton amour et de ta fidélité éternelle, merci de m'avoir donné Jésus. Éternel, merci de m'avoir conduit chez toi. Le Seigneur qui m'a racheté pour contempler ta gloire et ta puissance éternelle. Merci pour ta grâce sur moi. Éternel, merci pour ton amour dans mon cœur. De ton amour et de ta fidélité éternelle, merci de m'avoir grandi chez toi. Éternel, merci de m'avoir donné